morceaux font dans le porno. C'est bien plus obscène qu'un mauvais Marc Dorcel. L'odeur se met dans le vice, que la sacro-sainte bourse dévisse. C'est toujours au pauvre con de se serrer la vis. Quand tous les cash flots coulent à flot, l'on privatise les profits. Mais pour les pertes, les mêmes pauvres cons paieront les pots. Les cash flows.